Oh là là, tu pleures, Elisabeth Ivanovna, tu pleures. L'idée du mariage d'Aglaé avec le prince Michkine te contrarie. Eh bien, abandonnons ce projet, un point, c'est tout. Abandonner ce projet? Mais non, je ne veux pas l'abandonner. Qui sait, peut-être le bonheur d'Aglaé dépend-il précisément de ce mariage. Alors ne l'abandonnons pas, repoussons-le seulement, nous ne sommes pas pressés. D'ailleurs, le prince Michkine ne s'est pas encore formellement prononcé. Nous avons tout notre temps pour réfléchir. Tu as raison, Ivan Fedorovitch. Nous devons réfléchir à ce mariage, oui. Qui ressemble à un rêve absurde et pourquoi ne pas le dire, bête. Bête à pleurer. Je suis heureux que tu aies retrouvé ton bon sens. Pas de hâte, pas d'improvisation dans ce genre d'affaires, mais de la méthode et de la patience, ma chère amie. Commençons donc par sonder le cœur d'Aglaé. Oui, oui, c'est cela, Ivan Fedorovitch. Alors faites venir Aglaé, je vous prie. Très bien, mon ami, très bien. Vous avez sonné, mon général. Oui, j'ai sonné. Que faisais-tu derrière la porte, Gerasim? Attendez que le général veuille bien sonner. Non, fripouille, tu écoutais. D'une oreille seulement, mon général. Pourquoi d'une oreille seulement? Parce qu'il est impossible d'appliquer les deux oreilles à la fois contre une porte, mon général. Ne trouvez-vous pas cette réponse savoureuse, Elisabeth Prokofievna? Quel coquin, ce Gerasim! Je trouve surtout cette réponse insolente, mon ami. Votre familiarité avec la domesticité m'étonne et me navre. Bientôt, nos serviteurs nous marcheront sur la tête. Oui, vous avez raison. Tendez un doigt à la canaille, elle s'empare de tout votre bras. Montrons-nous donc sévères et implacables, même s'il le faut. Allez, va dire à ma fille, Aglaé Ivanovna, que nous l'attendons, madame la générale et moi, dans mon cabinet de travail. Allez, allez, file, grenade. À vos ordres. Non, attends, je n'ai pas fini. Lorsque tu auras fait cette commission à Aglaé Ivanovna, tu diras à Kousma qu'il te donne 15 coups de fouet. Hein? Allez, va. Non, pas 15. 20. Et maintenant, 20 ans. Mon général, ne puis-je pas me donner moi-même ces 20 coups de fouet? Oh! Cette fois, tu dépasses la mesure, fripouille. Je vais t'apprendre à respecter tes maîtres, moi-même, avec cette canne et sur le champ. Oh, je préfère encore les coups de fouet de Kousma. Oh, il m'a échappé. Vraiment? Vous êtes grotesque, mon ami, avec vos menaces tardives et puériles. Faites plutôt le bilan. Quoi? Bilan? Quel bilan? Oh, mon Dieu, c'est à désespérer. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes au bord d'un gouffre? Comment ça? Mais de la façon la plus simple du monde. Comme vous avez pu le constater vous-même, nos domestiques se moquent ouvertement de vous. Nos enfants se permettent tout avec nous. Et à l'occasion, ils nous tiennent tête. Quant au monde, eh bien le monde fait des gorges chaudes de nos déboires familiaux. Voilà où nous en sommes. Vous exagérez, Elisabeth Prokofievna, vous exagérez comme d'habitude. Mais enfin, admettons qu'il en soit ainsi. À qui la faute? Vous osez demander à qui la faute? Mais à vous, sans conteste. Ne me plaît guère d'entamer une discussion à ce sujet. Cependant, j'aimerais que vous me précisiez de quoi je suis coupable. Ah, vous voulez des précisions? Eh bien, je vais vous en donner. À l'appel. Vous manquez de caractère, vous êtes négligent, vous êtes paresseux. Ne protestez pas, c'est inutile. L'agitation désordonnée que vous déployez du matin au soir ne vous sert qu'à mieux dissimuler votre paresse. Permettez, madame. Non, je ne permets rien, général. Vous êtes aussi un sournois. Un sournois. Et un voluptueux, un dévergondé. Vous pensez que j'ai oublié la dernière offense que vous m'avez infligée? Je ne l'ai pas oubliée, monsieur. Elle brûle toujours dans mon cœur. Calmez-vous, ma chère amie. Au nom du ciel, reprenez vos esprits. Nous parlions de notre fille cadette Aglaé, soucieux que nous sommes de son bonheur. Et voilà que, changeant de sujet, vous me cherchez une mauvaise querelle, que vous m'accusez de vous avoir offensé avec je ne sais quoi. Avec je ne sais quoi? Vous êtes en plus un hypocrite, général. Oh. Et le collier de perles que vous avez offert à cette catin de Nastasia Philipovna? Il hante mes nuits, ce collier de perles, monsieur. Évidemment, dans cette malheureuse circonstance, le diable m'a tenté. Mais après tout, c'est vous qui êtes sortie gagnante de cette histoire. C'est vous qui portez à votre cou ce collier de perles. Si je le porte à mon cou, c'est uniquement pour que votre maîtresse, elle, ne le porte pas. Nastasia Philipovna aurait pu devenir ma maîtresse, c'est vrai. Et le traitement auquel vous me soumettez y aurait été pour beaucoup. Mais elle ne l'est pas devenue, vous le savez parfaitement. Alors pourquoi cette affirmation gratuite? Pour mieux me blesser? Pour mieux m'humilier? Je suis déjà suffisamment blessé et humilié par vos reproches, par les vexations que vous m'infligez et par les scènes que vous me faites subir quotidiennement, ou presque. Ça suffit. Ne cherchez pas à inverser les rôles, général. Je vous plaindrai lorsque j'aurai le temps. Or, pour le moment, je n'ai pas le temps. Enfin, ou plutôt, j'ai mieux à faire. Souffrez donc que nous reprenions cette méchante querelle une autre fois. Le sort d'Aglaé m'inquiète au plus haut point. Mais pourquoi n'est-elle pas encore là? Alors, ce damné Gerasim ne lui a-t-il pas transmis la commission dont vous l'avez chargé? Ah, s'il en est ainsi, je le mets à la porte. Je le charge de cette maison, vous entendez, général? Mais vous ferez ce que vous voudrez. J'ai horreur de me mêler des affaires domestiques. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, mon général, je n'ai pas pu faire votre commission à Aglaé Ivanovna. Et pourquoi, s'il te plaît, imbécile? Parce qu'Aglaé Ivanovna était sortie. Seule? Seule, madame la générale. Et où s'est-elle rendue seule, fripouille? Cela, je l'ignore, mon général. Et Katia, la femme de chambre, l'ignore également. Il reste le portier, mais je ne me suis pas cru autorisé à l'interroger. Cependant, si vous me l'ordonnez, je le ferai immédiatement. Non, c'est inutile. Ma fille est libre de sortir seule ou en compagnie. Elle est également libre de se rendre où elle veut. Personne n'a rien à y voir. As-tu compris, mauvais sujet? Oui, madame la générale. Eh bien, maintenant, va-t'en. Allez, va-t'en tout de suite. Tu me soulèves le cœur. Je ne vous comprends que trop bien, madame la générale. Lorsque je me regarde dans le miroir, moi aussi, j'ai la nausée. Oui. J'ai l'honneur de vous saluer, madame la générale. Mon général. Allez, allez, va-t'en. Mais au fait, où Aglaé a-t-elle pu se rendre à cette heure-ci? Chez une amie ou dans les boutiques, que sais-je? D'ailleurs, quelle importance l'a-t-il? Vous attendrez son retour et vous l'interrogerez vous-même. Car moi, je vais de ce pas me rendre chez la princesse Bielokonski. On le veuille ou non, elle est la marraine d'Aglaé. Si elle approuve le mariage d'Aglaé avec le prince Michkin, le monde l'approuvera également. Hein? Alors, adieu, général. Et surtout, soyez adroit et circonspect avec Aglaé. Ne la bousculez pas. Autrement, elle se rebiffera et vous ne tirez rien d'elle. Mais oui, soyez tranquille. Peu après, la générale Yepanchin pénétrait chez la princesse Bielokonski. Cette dernière, une femme autoritaire et acariâtre, écoutait un moment sans broncher les confidences fiévreuses et désordonnées de la générale, puis l'interrompant brutalement. Voyons, ma chère Élisabeth, de quoi s'agit-il exactement? Je me noie dans tes explications. Mais du mariage de ma fille cadette Aglaé, qui par ailleurs est votre filleule. Je sais bien qu'Aglaé est ma filleule, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Dis-moi plutôt avec qui elle a l'intention de se marier. Mais avec le prince Michkin. Après tout, pourquoi pas? Oui, c'est que le prince Michkin, n'est-ce pas, comment vous expliquer, le prince Michkin, oui, enfin, le prince Michkin... Qu'est-ce qu'il a donc, le prince Michkin? Allons, décide-toi à parler. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkin, Yvette Morek, la princesse Bielokonski, Maurice Bénard, Gerasim, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Gabi Morlaix, la générale Yepanchin. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.